vous êtes sur la boîte vocale du Common True Records. Veuillez laisser votre message après le signal sonore. Yo, salut Rika, c'est Ram. Hey, je veux te demander, tu pourrais pas amener quelque chose à Bedav, parce que vite, il est vieux. Et si tu pourrais passer, parce que ça serait très cool de venir nous voir. Et j'ai besoin de ton nom, adresse et numéro de téléphone. Ton numéro de téléphone, je sais pas, un appel ou bien privé. Si tu peux me filer comme ça, je peux mettre sur la liste des visites. Ce serait bien. Merci. Hein.